Les baleines sur les montagnes, les squelettes de deux baleines ont été découverts dans les marais du Michigan. Comment ces animaux marins y sont-ils parvenus? Les cétacés ne se déplacent pas sur la terre ferme, ils n'utilisent pas les icebergs comme moyen de transport, et la glace en mouvement ne les aurait pas amenés au milieu d'un continent. En outre, leurs ossements ont été trouvés dans des dépôts post-glaciaires. Il y aurait donc eu une mer à l'emplacement du Michigan après la dernière glaciation, c'est-à-dire il y a quelques milliers d'années seulement. Pour l'expliquer, on a supposé qu'à ce moment les grands lacs faisaient partie d'un bras de mer. Maintenant ils sont à une altitude de 177 mètres. Des os de baleine ont été trouvés à 135 mètres au-dessus du niveau de la mer, au nord du lac Ontario. Le squelette d'une autre baleine a été découvert dans le Vermont, à plus de 150 mètres d'altitude, un autre encore dans le Québec, à 180 mètres environ. Si la baleine d'un frais et le béluga pénètrent parfois dans l'estuaire du Saint-Laurent, ils n'escaladent pas les collines. Leur présence sur les hauteurs du Vermont et de Montréal exige un affaissement du sol. Une autre explication serait qu'une vague océanique les transportant ait envahi la région. Dans les deux cas, il aurait fallu une pression phénoménale pour abaisser des montagnes au-dessous du niveau de la mer, ou pour provoquer l'irruption de celle-ci. La seconde explication est incontestablement d'ordre catastrophique. La thèse généralement admise est donc que la Terre, aux environs de Montréal et du Vermont, s'est enfoncée à plus de 180 mètres sous le poids de la glace, et qu'elle y est restée quelque temps, après la débâcle. Mais le long du littoral de la Nouvelle-Écosse et de la Nouvelle-Angleterre, des souches d'arbres se dressent dans l'eau, prouvant que le pays jadis boisé fut ensuite submergé. Devant les embouchures du Saint-Laurent et du fleuve Hudson, de profonds canons s'avancent vers le large, sur plusieurs centaines de kilomètres, indiquant que le sol fut remplacé par la mer après avoir subi un affaissement à l'époque glaciaire. Faut-il en déduire que deux mouvements inverses, l'un montant l'autre descendant, se sont produits simultanément, dans un périmètre restreint? Un animal du tertiaire, le zeuglodon, a laissé une quantité d'ossements sur le territoire de l'Alabama et sur d'autres, proches du Mexique. Il recouvrait les champs en telle abondance et gênait tant leurs travaux, que les paysans les entassaient en guise de clôture. Il n'y a pas eu de couche glaciaire dans les États du Golfe, quelle a donc été la cause de leur submersion et de leur émersion? Ce phénomène n'a pas seulement touché la zone couverte de glace, mais aussi le littoral océanique du Maine à la Floride. Reginald Adali, de l'université de Harvard, a écrit, il n'y a pas longtemps, au sens géologique, la plaine du New Jersey jusqu'à la Floride était sous la mer. Les vagues de l'océan se brisaient sur les contreforts du piémont américain. Les sédiments marins enclavés furent alors soulevés et les cours d'eau y creusèrent leur lit, ce qui donne à la plaine côtière atlantique. Pourquoi la masse sédimentaire fut-elle soulevée? Le géologue nous parle des époques agitées au cours de laquelle la ceinture rocheuse qui s'étendait de l'Alabama à Terre-Neuve fut plissée, bousculée et forma le système montagneux des Appalaches. Pourquoi? Comment cela s'accomplit-il? Pour quelle raison la mer aurait-elle inondé les immenses plaines, du Mexique à l'Alaska, puis se serait ensuite retirée? On trouve des dépôts marins sur des terres très hautes de 75 mètres, au nord de la Floride, et de 50 mètres en Géorgie. Ils contiennent des restes de morses, les caractères marins du Pléistocène, sont fréquents sur la côte du golfe du Mexique, à l'est du Mississippi, à des altitudes dépassant parfois 60 mètres. Il arrive que l'on exhume de dépôts marins texans, des mammifères terrestres à l'état fossile, datant de l'ère glaciaire. Cette partie du continent ne fut pas recouverte par la glace qui, venant du nord, ne dépassa pas la Pennsylvanie. Une sédimentation marine recouvre le littoral nord des États-Unis, et la côte arctique du Canada, on y trouve des morses, des phoques et au moins 5 espèces de baleines. Il existe à l'intérieur des terres, le long des crêtes antiques et pacifiques, souvent à 300 km des côtes des dépôts du même genre, dont l'origine remonte tant aux périodes glaciaires, qu'interglaciaires contenant des animaux des latitudes arctiques et tempérées. La fonte de la glace qui pesait sur l'écorce terrestre a été rendue responsable de l'exhaussement des terrains jusqu'alors maintenus sous la pression de la couverture glaciaire, mais à quoi est due l'élévation d'autres régions qui n'y étaient pas soumises? Si le sol s'est lentement relevé, quand il a été libéré et qu'il a porté les os des baleines sur les sommets des collines, pourquoi les terres avoisinantes se sont-elles enfoncées à des profondeurs de plusieurs milliers de mètres, ainsi que l'indiquent les canons sous-marins? Dali conclut, pour un mystère élucidé, l'histoire du Pléistocène américain en contient 10 autres qui ne le sont pas. Les rats de marée, les fissures dans les roches. Joseph Prestwich, professeur de géologie à Oxford, et faisant encore autorité sur l'ère quaternaire, fut intrigué par de nombreuses constatations, qui l'amenèrent à penser que le sud de l'Angleterre s'est enfoncé d'environ 300 mètres, voire plus, entre les périodes glaciaires ou post-glaciaires et la période récente, c'est-à-dire le néolithique. Point. À la suite d'un mouvement spasmodique de l'écorce terrestre, la côte et les terres de l'Angleterre s'immergèrent à une telle profondeur, que des points situés à 300 mètres d'altitude se trouvèrent au-dessous du niveau de la mer. Parmi ces curiosités, le contenu de certaines crevasses retint toute son attention. Les formations calcaires des environs de Plymouth, sur la Manche, présente des fissures de diverses tailles, remplies de fragments rocheux, angulaires et coupants, d'ossements de mammouths, d'hippopotames, de rhinocéros, de chevaux, d'ours polaires et de bisons brisés en petits morceaux. On ne rencontre aucun squelette entier. Un fait, ils sont dispersés dans le plus grand désordre, en vrac, ce qui interdit toute reconstitution. Ils ne montrent pas d'usure et n'ont pas été rongés par des carnassiers, bien qu'ils soient mêlés à des vestiges d'hyènes, de loups, d'ours et de lions. Les brèches de faille du Devonshire et du Pembrokeshire sont des conglomérats de roches détritiques, et d'os brisés et éclatés aux arêtes nettes et coupantes en état de fraîcheur, en conditions splendides et ne portant aucune trace de dents. Si les animaux étaient tombés vivants dans les crevasses en question, leurs carcasses seraient encore entières, or elles ne le sont pas. De plus, si elles étaient restées pendant quelque temps à l'air libre, on y constaterait des traces d'érosion, mais ce n'est jamais le cas, une simple chute n'aurait jamais suffi à briser les os de telle façon. J'estime que ces objections sont à 100% éloquentes pour détruire l'hypothèse d'une chute. On n'en a proposé nul autre depuis, écrit Prestwich. Il existe en Angleterre et dans toute l'Europe occidentale des cassures de roches bourrées d'ossements ayant appartenu aux représentants d'espèces disparues, ou à d'autres, d'origine aussi ancienne, qui prolifèrent encore actuellement. On en voit dans les vallées du bassin parisien, ainsi qu'en haut de collines peu fréquentées, situées au cœur de la France. Ces monticules, souvent assez élevés, contiennent parfois des restes de mammouths, de rennes, de chevaux et d'autres animaux. Le sommet du Mont Genêt, 436 mètres, près de ce mur en auxois et celui du Centenay, entre Dijon et Lyon, constituent des exemples frappants. Le professeur Albert Gaudry, attaché au Jardin des Plantes de Paris, se demanda pourquoi tant de loups, de chevaux et de bovidés en auraient gravi les pentes. Selon la description des lieux, les os sont généralement brisés et éclatés en innombrables fragments tranchants, et ne sont évidemment pas ceux d'animaux dévorés par des prédateurs, bien que les vestiges de loups, de lions des cavernes et d'ours, voisinent avec ceux de rhinocéros, de chevaux, de bovidés et de cervidés. Il est inconcevable que des animaux de mœurs et d'habitats si différents, aient pu jamais se rencontrer vivants, tous ensemble. L'état de conservation de ces esquilles, indique qu'ils périrent tous à la même période. Prestwich estimait que devant ces ossements aujourd'hui intimement mêlés à l'intérieur de la faille couronnant les sommets de ces collines et réunis en un seul tas, il était permis de supposer que leurs propriétaires s'étaient réfugiés là, pour échapper à la montée des eaux. Un peu partout sur les côtes méditerranéennes, il existe des fissures ayant les mêmes particularités. Le compte-rendu des investigations effectuées par Marcel de Serres aux environs de Pédémar dans le Gard fait état de la présence singulière d'os dans des creux ou dans des crevasses, étrange phénomène qui entraîna cette énorme accumulation d'ossements appartenant à diverses races animales, s'est produit à l'intérieur d'un périmètre très restreint. De Serres les découvrit réduits en pièces, mais aucun d'eux ne semblait avoir été rongé ou roulé. On ne constata pas de coprolite, excréments durcis, cela prouve donc que ces bêtes n'avaient pas habité les lieux. Le rocher de Gibraltar par exemple, est sillonné par une multitude de crevasses bourrées d'os rompus et éclatés, des restes de panthères, de lynx, de chats sauvages, d'hyènes, de loups, de rhinocéros, de chevaux, de sangliers, de cerfs, de daims, d'ibex, de bœufs sauvages, de lièvres, de lapins ont été trouvés dans ces fissures ossifères. Ils sont presque toujours brisés en milliers de fragments, aucun n'est usé ni roulé, aucun n'a été rongé bien que de nombreux carnivores étaient présents alors sur le rocher, dit Prestwich qui ajoute, seul un grand danger commun, une forte inondation par exemple, a pu chasser devant elle aussi bien les animaux des plaines que ceux des cavernes. Le rocher est tailladé et fissuré à l'extrême. Ce qui reste d'anciennes plages, à plus de 180 mètres d'altitude, indique qu'à une certaine époque, les eaux de la Méditerranée léchaient les fameuses colonnes d'Hercule. Celle dont il s'agit, le mont Calpe des Romains, s'élève maintenant à 418 mètres au-dessus de la mer. Par conséquent, à l'époque de l'homme, ce fut une île d'un peu moins de 250 mètres de hauteur, elle s'éleva par étapes successives à son niveau actuel. Toutefois, il est très probable qu'avant de l'atteindre, l'ensemble de la région fût soulevé à un point, tel qu'il se forma un passage de terre ferme entre Gibraltar et la côte d'Afrique. Cela montre que l'allégorie faisant des deux montagnes, séparées par le détroit, le symbole de la pérennité n'est pas fondé. Parmi les os d'animaux découverts dans certaines de ces crevasses, on a trouvé une molaire humaine et quelques silex travaillés par l'homme paléolithique, ainsi que des débris de poterie néolithique. En Corse, en Sardaigne, en Sicile, sur le continent européen et les îles britanniques, des os brisés remplissent les fissures des roches. Les collines des alentours de Palerme, en Sicile, ont révélé une extraordinaire quantité d'os provenant de véritables hécatombes d'hippopotames, on en a extrait 20 tonnes d'une caverne proche de San Siro, en 6 mois d'exploitation, ils étaient d'une telle fraîcheur, qu'ils furent expédiés à Marseille pour être transformés en noir animal destiné aux raffineries de sucre. Comment cette brèche a-t-elle pu se remplir d'os? Il est impossible que des prédateurs aient apporté et laissé là cette quantité d'os. On n'y constate en effet aucune trace de dindienne ou d'autres carnivores. Les animaux venaient-ils y mourir quand leur fin approchait? Ils appartiennent à des bêtes de touage, même à des bébés et ne portent qu'une marque de patine causée par le temps, ou due aux conditions climatiques. Theta extrêmement frais des os, attesté par leur très forte proportion de matière organique montre que, du point de vue géologique, l'événement est récent. D'autre part, le fait que des animaux de touage aient été englobés dans la catastrophe montre qu'elle fut soudaine. Selon Prestwich, les îles méditerranéennes furent submergées en même temps que l'Europe et l'Angleterre, les animaux habitant la plaine de Palerme reculèrent, cela se conçoit, à mesure que les flots avançaient et s'enfoncèrent de plus en plus, dans l'amphithéâtre de collines où ils furent enfermés. Ils ont dû se trouver groupés par milliers, s'entassant dans les cavernes les plus accessibles, et se bousculant devant leurs entrées, jusqu'à ce que l'eau les rejoigne et les détruise. Des débris rocheux et de gros blocs arrachés au flanc des pentes, emportés par le courant, ont écrasé et brisé leurs os 142. Parmi les géologues partisans de la théorie glaciaire, Prestwich est considéré comme le plus éminent. Il se vit obligé de rédiger une thèse intitulée Submersion de l'Europe occidentale et des côtes méditerranéennes à la fin de la période glaciaire, dite post-glaciaire, précédant immédiatement la période néolithique, ou récente. Elle fit l'objet d'une communication scientifique publiée dans le bulletin de la Royal Society of London, sous le titre Philosophical Transactions. Il lui paraissait impossible d'expliquer les phénomènes géologiques spécifiques, par aucun des facteurs dont notre époque nous a donné l'expérience 143. Quels qu'ils furent, ils ont dû agir avec une violence suffisante pour écraser des os 144. Cela n'a pas été non plus œuvre du temps, car les ossements enfouis, bien que très brisés, sont singulièrement de frais 14. Certaines communautés primitives ont sans doute vécu, elles aussi, la catastrophe 146. Le rocher de Gibraltar s'éleva de manière à fermer le détroit, puis disparut partiellement, la côte anglaise et ses collines de 300 mètres furent submergées, ainsi que de nombreux monticules à l'intérieur de la France et en Sicile. On relève partout les traces d'un cataclysme qui s'est produit à une époque relativement récente, et a touché une zone de dimension continentale. De grandes avalanches d'eau chargées de pierres se jetèrent à l'assaut des terrains, ébranlant des massifs montagneux, cherchant des fissures où elles s'engouffrèrent, disloquant et écrasant sur leur passage tout le royaume animal. Prestwich attribuait ces dévastations à l'affaissement de la terre ferme, suivi d'un exhaussement brusque au cours duquel des masses d'eau se seraient précipitées vers les niveaux inférieurs, y apportant chaos et destruction. Dans ses écrits, il ne niait pas avoir sous-estimé la superficie des terres englouties, mais ne s'expliquait pas ce double mouvement de submersion et d'émersion. Ces événements eurent lieu quand l'âge de la pierre polie commençait à peine en Angleterre, tandis que les grands foyers de civilisation connaissaient peut-être déjà celui du bronze. Dans un chapitre suivant, nous traiterons les grandes catastrophes qui ébranlèrent plus d'une fois toutes les villes du monde antique. En effet, la Crète, l'Asie mineure, le Caucase, la Mésopotamie, l'Iran, la Syrie, la Palestine, Chypre et l'Égypte furent simultanément dévastées à plusieurs reprises, alors que l'Égypte était à l'âge du bronze et que l'Europe se préparait au néolithique. Les forêts enfouies du Norfolk anglais, l'étude d'un pays soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. La Grande-Bretagne est la patrie de l'illustre, fondateur et promoteur de la géologie. Cela explique pourquoi son sol fut plus exploré que celui de n'importe quelle autre partie du monde. Les recherches effectuées sur ces différents niveaux, et notamment sur ceux qui remontent à l'ère glaciaire, révèlent une interstratification très complexe de couches de diverses origines. Quand nous faisons la somme des complications additionnelles imposées par de minces apports dérivés, par de maigres dépôts interglaciaires, et par la fréquente présence dans les couches fossilifères du secondaire, de fossiles déplacés provenant du remodelage de terrains plus anciens, nous nous trouvons devant une impasse, confrontés à un problème extrêmement ardu. Tout compte fait, l'étude stratigraphique de la glaciation en Grande-Bretagne a rencontré des difficultés exceptionnelles. Ainsi s'exprime le professeur Flynn, géologue à l'université de Yale. Dans le comté de Norfolk à Cromer, près du littoral de la mer du Nord, on a trouvé en Angleterre comme ailleurs des forêts enfouies dénommées ainsi à cause des très nombreuses souches d'arbres qui, d'après la rumeur publique, auraient poussé sur les lieux de leur enfouissement. Beaucoup sont en position verticale et souvent enchevêtrées, leurs racines ne portent pas de radicelles mais sont brisées, généralement à une distance de 30 à 90 cm du tronc. On a trouvé des os de 60 espèces de mammifères, sans compter ceux d'oiseaux, de grenouilles et de serpents. Parmi les premiers, le tigre à dents en forme de sabre, le grand ours ursus horribili, le mammouth, l'éléphant à défense droite, l'hippopotame, le rhinocéros, le bison, le cheval actuel et cucabalu. Deux espèces, vivant exclusivement au nord, le glouton et le bœuf musqué, ont été décelés parmi d'autres, de latitude tempérée et tropicale. Des 30 variétés de grands animaux terrestres trouvés là, s'ils existent encore, les autres sont éteintes. Trois seulement sont originaires des îles britanniques. On y a découvert les restes de 68 espèces végétales, ils indiquent un climat et un relief très semblables à ceux du Norfolk actuel. Étant donné la sensibilité des plantes aux écarts de température, on pourrait en conclure que le climat existant au moment où la forêt fut déplacée n'était pas différent de celui d'aujourd'hui, mais cela est contredit par le caractère de la faune qui comprend aussi bien des animaux du sud que du nord. L'abondance d'espèces si différentes sur une île aussi grande que la Grande-Bretagne laisse penser qu'elle avait dû faire partie d'un continent, et que le Pas-de-Calais n'était alors pas encore ouvert. On a également dit que le Rhin coulait à travers la zone actuellement occupée par la mer, la Tamise étant l'un de ses affluents, que les arbres y avaient été apportés par ses soins, qu'ils poussaient sur ses berges, que l'eau avait enlevé la terre autour de leurs racines, et que les troncs avaient été emportés et déposés à leur emplacement actuel. Il faut cependant remarquer que l'ouverture du Pas-de-Calais constitue une révolution géologique d'une ampleur si considérable, qu'on hésiterait volontiers à l'assigner à la période relativement brève des temps glaciaires et post-glaciaires 3 degrés. Un dépôt non marin contenant des plantes arctiques, sols, boulonins, et des coquilles de gastéropodes, recouvre directement cette profusion de souches mortes sans que rien l'en sépare. Cela implique un changement remarquable des conditions climatiques, qui ont permis la croissance de la forêt sous-jacente. Il pourrait indiquer un abaissement de température d'environ 20 degrés. Un autre dépôt marin termine cette incroyable superposition. On y remarque Bastarte boreali, et d'autres coquillages dans la position de la vie, les deux valves réunies. Ces mollusques sont originaires de l'Arctique, mais comme la couche sédimentaire, dont ils font partie contient aussi, Australie qui exige une mer tempérée, on ne peut rien en conclure quand il s'agit de déterminer le climat. Quel est l'agent qui rassembla, en bloc ou par à-coups successifs, toute cette flore et faune de la toundra et de la jungle, des futaies comme des déserts, de rivières et de lacs, d'altitudes variées et de diverses latitudes, des mers du nord et du sud? Les coquillages aux valves closes nous apprennent que les mollusques ne succombèrent pas à une mort naturelle, mais furent ensevelis vivants. Il semble donc que cette agglomération soit due à la ruée des eaux qui balayèrent les terres, laissant derrière elles des sables marins et des organismes pélagiques, qui arracha des bêtes et des arbres du sud pour les brosser vers le nord, puis, abandonnant les régions polaires et rejoignant des zones plus chaudes, mélangea sa charge de végétaux et d'animaux aux sédiments dans lesquels elle avait déjà abandonné ceux du sud. En somme, les animaux terrestres et marins de toutes les parties du globe furent projetés ensemble, un groupe suivant l'autre, par les éléments en furie, sans commune mesure avec un simple débordement de rivière. Des vestiges d'espèces qui s'étaient éteintes au cours d'époques antérieures furent également prélevés de la couche où ils reposaient et jetés dans la mêlée. La découverte d'animaux et de plantes de climat chaud dans les régions polaires, celle de coraux et de palmiers dans le cercle arctique conduit à l'alternative suivante, où ces animaux et ces plantes ont vécu dans ces régions à une époque lointaine, ou bien ils y ont été apportés par des raz de marée. La première hypothèse est vérifiée dans certains cas, lorsque par exemple des souches de palmiers sont trouvées in situ. La seconde est par ailleurs acceptable, lorsque des animaux et des plantes terrestres et ou marins sont découverts mélangés. De toute façon, une constatation s'impose, de tels changements ne peuvent s'être produits que si le globe s'est écarté de son cours, soit à cause d'une variation de sa vitesse de rotation, soit à cause d'un déplacement de la position astronomique ou géographique de son axe. Nous avons souvent constaté que des plantes méridionales poussaient dans le nord. Cela est dû soit à un déplacement de la position géographique du pôle, et par conséquent des latitudes, soit à une variation de l'inclinaison de l'axe terrestre. Pour le reste, une irruption marine sous les tropiques et à l'intérieur du cercle arctique a précipité dans un seul et même dépôt des êtres vivants. L'événement n'a pu être que brutal, instantané. Les deux propositions se complètent et impliquent que la direction de l'axe ait été soudainement perturbée. La caverne de Cumberland en 1912, près de Cumberland dans le Maryland, des ouvriers creusant une tranchée pour une voie ferrée, à l'aide de dynamite et d'une pelle à vapeur, pratiquèrent par hasard une ouverture dans une caverne close de tous côtés. Elle offrit à leurs yeux un curieux assemblage d'animaux. Parmi les espèces, beaucoup sont comparables à celles vivant actuellement aux alentours, certaines sont nettement du nord ou boréal, si l'on en juge par leurs caractéristiques, mais d'autres sont apparentées à celles provenant de régions méridionales, pour ne pas dire des hautes latitudes australes. Cette citation vient d'un texte de Gidley et Gazin, tous deux du National Museum of Manka. Un crocodile et un tapir représentent le climat méridional, un glouton et un lemming sont incontestablement du nord. Il semble très improbable qu'ils aient vécu ensemble à la même époque en ces lieux. Comme d'habitude, on supposa que leur dépouille était arrivée là, pendant une période glaciaire ou interglaciaire. Néanmoins, Gidley, le chercheur du Smithsonian Institute, qui examina la découverte, et y retourna au cours des années suivantes pour l'étudier de plus près, assura que les animaux avaient été contemporains, la position des os excluant toute autre explication. Cet étrange assemblage de restes fossiles se présente dans un désordre extrême. Les ossements de la caverne de Cumberland étaient pour la plupart très brisés, quoique ne portant pas de traces d'érosion. Cela laisse penser qu'ils ne furent pas roulés par un cours d'eau pendant très longtemps. Il est tout à fait possible qu'ils aient été projetés contre des rocs par le déferlement de la vague qui les aurait amenés de loin, rompant les squelettes à l'intérieur des corps, ceci explique cela, et que l'avalanche ait écrasé toutes ces espèces, les mélangeant et les incorporant au gravier, pour les enfermer par la suite à l'intérieur des roches. Il arriva donc que des animaux nordiques, gloutons, lemmings, musaraignes, écureuils roux, porcs et pics, lièvres et élans, furent entassés avec d'autres, suggérant des conditions climatiques plus chaudes telles les pécaris, crocodiles et tapirs qui vivent actuellement, sur la côte occidentale d'Amérique, des coyotes, des blaireaux, des chats sauvages et des pumas figurent dans cet assortiment. Des castors, des rats musqués et des visons, habitants de contrées où l'eau abonde, des bêtes venues de pays arides, celles qui hantent les régions boisées, aussi bien que celles habituées aux grands espaces découverts, comme le lièvre et le cheval, sont réunies dans la caverne de Quimberland. Oui, vraiment, curieuse assemblée où les espèces éteintes côtoient les formes existantes, la mort les a tous surpris en même temps. Quant aux thèses qui essaient d'expliquer par la succession de périodes glaciaires et interglaciaires, la présence en un seul et même gisement d'ossements appartenant à des individus de climats différents, elles trébuchent inévitablement sur les os de la caverne de Quimberland. En Chine du Nord, on a aussi découvert des gisements de milliers de à l'intérieur de grottes et fissures à Choukoutien, un petit village des environs de Pékin. Le fait le plus étonnant fut la trouvaille d'une inimaginable accumulation d'os fossiles. Ces riches dépôts ossifères contiennent aussi des restes de squelettes humains. Lorsque Wei Danreich entreprit son étude, il constata d'autres détails stupéfiants, presque inexplicables. On y a retrouvé des fragments d'os provenant de sept humains, un Européen, un Mélanésien et un Esquimau, étroitement enchevêtrés dans une grotte située sur le flanc d'une colline chinoise. Il en restait un moment abasourdi. Vu leur fracture crânienne et osseuse, on en a conclu que ces sept personnes avaient été massacrées ou qu'elles s'étaient entretuées. On peut penser que ces ethnies se soient rencontrées à Choukoutien sachant que les migrations de l'homme préhistorique étaient plus importantes qu'on ne le pense en général. Les scientifiques furent également surpris par les vestiges d'animaux provenant de climats divers, le tout bizarrement mélangé. Mammouths, buffles, autruches, bêtes arctiques qui avaient laissé leurs dents, leurs cornes, leurs griffes et leurs os dans un mélange inextricable. Certes, ceci ne nous est plus étranger, mais contrairement aux géologues occidentaux, les scientifiques chinois assimilèrent leur découverte à une énigme. On ne peut pas se servir de cette collection de diverses faunes pour déterminer de façon probante la température qui régnait à l'époque où elles vivaient, déclare Li dans sa géologie de la Chine 158. Certaines espèces indiqueraient un climat assez rude, d'autres un climat chaud. Il est presque inconcevable que des animaux d'habitat aussi variés aient pu vivre ensemble. Et pourtant leurs restes furent trouvés côte à côte. On assure qu'avant l'apparition de l'homme, depuis la fin de l'ère tertiaire, et tout au long de la grande période glaciaire, la Chine du Nord a subi une dessiccation progressive interrompue par des intervalles pluvieux 159. Il y régna une grande sécheresse, et l'absence générale de traces d'érosion glaciaire, amena les naturalistes à conclure que cette partie de l'Asie n'avait pas connu, comme la Sibérie du Nord, d'hiver rigoureux et, a fortiori, pas de glaciation. D'autre part, on constate dans l'ensemble du pays certains détails qui ne s'accordent pas avec l'interprétation précédente 160. Et les blocs erratiques et les rocs striés ne manquent ni dans les vallées, ni sur les montagnes. Mais s'il n'y eut pas de couverture de glace en Chine du Nord, ni en Sibérie du Nord, comment des ossements d'animaux ont-ils alors pu combler tant de fissures? Quel facteur a strié les rocs, et transporté ces blocs si loin de leur point de départ et aussi près des sommets? Li devait nous apprendre que les chaînes montagneuses de la Chine occidentale ont subi une élévation depuis l'âge glaciaire 161. Les argiles et les sables marins de Tien-Tsin sont si riches en mollusques fossiles qu'ils affleurent en surface. Les carottes obtenues par forage ont révélé la présence de sable et d'argile contenant des coquillages d'eau douce à plus de 155 mètres au-dessous de la couche supérieure marine 162, donnant les preuves d'une élévation et d'une submersion successives et récentes. Ne serait-ce pas une transgression marine qui a mêlé animaux de différentes latitudes et les a transportés sur les sommets? Les montagnes qui se sont soulevées quand l'humanité en était à ses premiers balbutiements, n'ont-elles pas surgi pendant le bouleversement qui a forcé les mers à dépasser les limites de leurs rivages? Des animaux de différentes régions, n'ont-ils pas été précipités, en même temps que les humains, dans des fissures, des crevasses et des failles tandis que les montagnes se soulevaient, que les mers envahissaient les terres, que des débris rocheux franchissaient des hauteurs et que les climats changeaient? Les fossiles de Choukoutien sont ensevelis dans une glaise rougeâtre, dont la sédimentation remonte à la même époque que ces terres grasses couvrent une partie de la Chine du Nord. La rayonne estime que leur couleur ne saurait être une qualité héritée du matériel dont elles sont composées, ni acquise à la suite de lents processus chimiques longtemps après leur formation. L'atteinte de ce sédiment si répandu, ayant une origine étrangère inexpliquée, la seule déduction plausible que l'on puisse envisager est qu'une variation climatique violente, qui n'est pas elle-même la cause du coloris, s'est produite immédiatement avant l'accumulation des glaises rouges, ou aussitôt après. D'autres observations du même ordre ont été faites ailleurs sur la Terre. le dépôt dont le déplacement est attribué au glissement de la couverture de glace est souvent rougeâtre. Chambrune, cherchant à donner la raison de cette coloration, suppose que le fer libéré par la décomposition des grains de granité en est responsable. Le professeur Peterson, de l'Institut océanographique de Göteborg, a constaté que l'argile extraite du fond de l'océan Pacifique contient des cendres ayant un fort taux de fer et de nickel, métal presque complètement absent dans l'eau. Selon lui, elle serait due à de fortes pluies de météores. Quant aux laves des profondeurs océaniques, il estime qu'elles ne sont pas très anciennes. Tout permet de penser qu'une pluie de poussière ferrugineuse a touché la Terre à une époque géologique récente, lorsque se déposèrent les argiles rouges du Pacifique et les glaces chinoises. Roche de structure laminée formée par la consolidation de l'argile. Nous reviendrons sur ces travaux plus loin, à la section Le fond des mers du chapitre 7. La fosse d'asphalte de La Brea, Los Angeles, à Rancho La Brea, l'un des quartiers les plus élégants de Los Angeles, des ossements sont abondamment répartis dans l'asphalte faite d'argile et de sable, témoins d'espèces disparues et d'autres toujours vivantes. On en parle à la première fois en 1875, pourtant, des milliers de tonnes de bitume, destinées au revêtement des toits et des chaussées avaient déjà été expédiées vers San Francisco. Des couches de schiste pétrolifère attribuées à l'époque tertiaire, et très souvent épaisses de 600 mètres environ, s'étendent du nord de la Californie jusqu'à Los Angeles, et même au-delà sur plus de 700 km. La fosse d'asphalte de La Brea est un affleurement de cette importante formation bitumineuse. L'Université de Californie y prélève régulièrement depuis 1906 un maximum d'échantillons, masse de matériaux fossiles des plus remarquables. Dès leur découverte, on admet qu'ils représentaient la faune du tertiaire récent, Pliocène, ou du Pléistocène ancien, âge glaciaire. Des stratifications datant du Pléistocène, épaisses de 15 à 30 mètres, surmontent les terrains tertiaires dans lesquels se trouvent les principaux gisements pétroliers. Le dépôt qui contient les fossiles se compose d'alluvions, d'argile, de sable grossier, de gravier et d'asphalte. L'animal le plus extraordinaire découvert à Los Angeles est le tigre à dents de sabre, Smilodon, jusqu'alors inconnu, aussi bien dans le Nouveau que dans l'Ancien Monde, mais qui a été depuis trouvé ailleurs. Ses canines de 25 cm sortaient de sa gueule comme deux poignards incurvés, une arme redoutable dont il se servait pour déchirer la chair de ses victimes. Les vestiges animaux y sont entassés et compressés de façon inimaginable. Au cours des premières fouilles entreprises par l'Université de Californie, on rencontra une couche partiellement constituée de boîtes crâniennes appartenant à des tigres aux canines en forme de sabre et de loup, dont le recensement atteint le chiffre moyen de 26 par RT. Point. On a dégagé pas moins de 700 crânes de Smilodon, aux côtés des bisons, des chevaux, des chameaux, des paresseux, des mammouths, des mastodontes et des oiseaux. Lorsque l'Amérique vit arriver ses pionniers, les plaines littorales de la Californie n'étaient que pauvrement peuplées. Les premiers immigrants n'y virent que des coyotes et des serpents à sonnette à demi morts de faim. Mais quand la fosse de La Brea a reçu ses squelettes, une multitude d'animaux vivait dans l'ouest américain. Pour expliquer la présence d'os dans ce marécage résineux, on a émis l'hypothèse que les victimes s'y engluèrent lorsqu'il était encore semi-liquide, et qu'elles se sont conservées dans l'asphalte formé par le durcissement du goudron, mais l'importance de leur rassemblement est déconcertante. De plus, la plupart sont des carnivores, alors que toute faune comporte une majorité d'herbivores, s'il en était autrement, les prédateurs n'auraient pas de nourriture en quantité suffisante. Le fait exigeait une explication. On supposa donc qu'un animal quelconque retenu captif par le bitume se mit à hurler, attirant ses congénères qui furent à leur tour pris au piège, leurs plaintes en firent accourir d'autres, jusqu'à épuisement. Le raisonnement pourrait avoir quelque valeur, si l'état des ossements ne prouvait que de violentes circonstances les ont ensevelis. Quand le pétrole brut a perdu ses éléments volatiles, il reste de l'asphalte, du goudron et d'autres bitumes. Comme presque tous les animaux de La Brea étaient englués dans du goudron, il y avait lieu de présumer que dans une forte proportion, la majeure partie de leur squelette devait être intacte. Mais, contrairement à cette attente, les charpentes encore articulées sont plutôt rares. Les os témoignent un parfait état de conservation, ils sont, comme ailleurs, brisés, écrasés, tordus et mêlés en une masse très hétérogène, telle qu'elle n'a jamais pu résulter de la capture fortuite et de l'enfouissement de quelques traînards. Les hordes de bêtes effrayées découvertes à Los Angeles ont-elles été englouties par une catastrophe? Des groupes géants d'animaux sauvages, carnivores en majorité, auraient-ils succombé à des averses de pierres, à des tempêtes, à des rats de marée, à des pluies de naft? À plusieurs reprises, des trouvailles similaires ont été faites en Californie, à Carpinteria et Amkitrick, les apports se sont effectués dans des circonstances identiques. Les plantes des fosses de goudron de Carpinteria sont, à une exception près, reconnues comme membres de la flore récente, ou de celles que l'on cultive de nos jours, à 300 km plus au nord. On a également découvert à La Brea, la boîte crânienne d'un homme qui aurait vécu à l'âge glaciaire, bien qu'il ne présente aucune déviation par rapport aux crânes normaux actuels. D'autres ossements humains y ont été trouvés sous les restes d'un vautour d'une espèce éteinte. Ces découvertes laissent penser que l'époque de leur mort précéda, ou tout au moins coïncida, avec celle de l'extinction de ce vautour. Celui-ci trouva la mort dans une catastrophe, comme peut-être tous ses congénères, ainsi que le smilodon et les autres espèces. La carrière d'Agate Spring située au cœur du comté de Sioux, Nebraska, sur la rive sud de la Niobrara, la carrière d'Agate Spring est un dépôt de fossiles, dont l'épaisseur atteint les 50 cm. Son contenu indique qu'il a été transporté violemment, et pendant très longtemps avant de s'arrêter. La quantité de fossiles est telle, qu'il forme un véritable pavage d'ossements entremêlés, très peu d'ailleurs sont restés articulés, comme il était naturellement, écrit le conservateur du musée Peabody dans un livre spécialisé. Un échantillon exposé au musée d'histoire naturelle de New York, contient environ 1100 fragments de sparem. 2. Il est difficile d'expliquer cette profusion autrement qu'en considérant ce site, comme un lieu où les différentes espèces se regroupaient pour mourir. Les animaux étaient des mammifères ou dominaient des petits rhinocéros bicornes, Disratorium. Il s'y trouvait aussi une espèce disparue, le Moropu aux membres épais et aux griffes de carnivore, mais dont la tête ressemblait à celle du cheval. Mentionnons aussi les os d'un porc géant, haut de 2 mètres, le Dinoïo Hollandi. Le musée Carnegie fit aussi des recherches, ces scientifiques ont extrait d'un champ de fouilles de 164 mètres carrés plus de 16 millions d'os. Le nombre moyen d'os chez les mammifères étant de 200 par individu, les squelettes reconstitués s'élèveraient à un total d'environ 800. L'espace en question ne représentant qu'un 1/20 de la couche fossile, Lull a estimé qu'elle devait contenir en tout 16 400 squelettes environ de rhinocéros bicornes, 500 de chevaux à griffes et 100 de porcs géants. D'une autre fosse située à quelques kilomètres à l'ouest, on a dégagé des squelettes de chameaux-gazelles, en raison de leurs analogies avec les deux espèces existantes. Tous ces animaux furent décimés par un cataclysme. Comme à la carrière d'Agate Spring, une violente cataracte d'eau, de sable et de gravier laissa des marques caractéristiques sur ces ossements fossiles. Des dizaines de milliers d'animaux furent charriés sur une distance indéterminée puis précipités, embouillis, dans une tombe commune. Très probablement, la catastrophe fut universelle, car non seulement les petits rhinocéros bicornes, les chevaux à griffes, les porcs géants et les chameaux-gazelles d'Agate Spring, et d'ailleurs n'y survécurent pas, mais leurs espèces disparurent. Rien n'autorise à les considérer comme des dégénérés promis à l'extinction. L'état dans lequel ils ont été découverts indique une mort violente, infligée par les éléments en furie, et pas par une lente extinction résultant de la disparition successive des plus résistants. Des découvertes similaires ont été faites un peu partout sur la Terre, nous visiterons au prochain chapitre les fameux gisements des Siwali. Aux États-Unis, le Big Bone Lake dans le Kentucky, renfermait les os de 100 mastodontes, ainsi que d'autres races à jamais disparues. Le président Jefferson y recueillit les principaux éléments de sa célèbre collection de fossiles. L'investigation systématique de la vallée californienne de San Pedro a permis de mettre au jour des mastodontes en position verticale, posture dans laquelle la mort les a surpris. Les fossiles, trouvés dans l'Oregon à John des Basins, et au fond du lac glaciaire florissant dans le Colorado, sont prisonniers d'une cendre volcanique, et les exploitations commerciales de phosphate en extraient couramment dans le sud des États-Unis. En Suisse, il existe à Kesserloch, près de Tingen, un conglomérat d'os appartenant à des espèces animales d'habitat et de climats différents, des types alpins composent ce tiers-gemiche avec une faune des steppes et une faune des forêts. En Allemagne à Neukölln, Exrixdorf, faubourg de Berlin, une fosse de gravier a révélé deux sortes de faunes différentes, les mammouths, bœufs musqués, rennes et renards arctiques évoquent un climat boréal, les lions, les hyènes, les bisons, les bœufs et deux espèces d'éléphants suggèrent divers climats plus chauds. Ce classement en deux groupes distincts a donné lieu à une interprétation astucieuse, le premier aurait appartenu à une période glaciaire, et le second à une période interglaciaire. Malheureusement, les os sont, comme d'habitude, inextricablement emmêlés. Il est probable que les conditions qui les ont réunis sont plus complexes qu'on ne l'a cru. Aucune solution satisfaisante à ce problème climatique n'a été proposée. Ainsi, la grande majorité des êtres vivants qui peuplaient la Terre, l'eau et l'air, les fragiles ou résistants, tous aussi avides de vivre et de se multiplier, furent plus d'une fois contraints de se laisser anéantir.